Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique ici à CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, une autre grosse émission pour nous cette semaine, mesdames et messieurs. On va commencer par vous présenter l'équipe de Puissance Maximale, en fait le duo de Puissance Maximale, monsieur Andrew Castegan à la console. Salut Andrew. Bonjour monsieur Michaud. Ça va bien? Toujours. Excellent. Et là, cette semaine, tu vas nous faire une petite critique d'une nouveauté. Oui, je vais parler de Halo 4, que j'ai eu l'occasion de jouer un peu, moins que certains de mes collègues, mais je me suis informé aux bonnes sources pour être capable de vous donner une critique juste et précise. Excellent, merci Andrew. En tout premier lieu, on va avoir M. Pierre-Luc Pelletier, dont d'ailleurs je voulais vous dire que sa chronique qu'on a manqué lors de notre première heure là, de notre spécial... Radioton, qu'on n'avait pas pu récupérer, ben j'ai refait la chronique avec M. Pelletier et c'est disponible sur le site www.puissancemaximale.com. À même endroit, vous pouvez aller chercher toutes nos émissions en version podcast, même d'autres comme ça, des chroniques qu'on fait à l'occasion. Vous pouvez aller chercher ça sur le site. Il y a toujours la page Facebook. Allez-y, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et allez peser sur le bouton J'aime parce que nous, on vous aime. Oui, puis on a remarqué que ça a augmenté. Là, on n'est plus bien loin de Facebook. Ouais, bon, c'est ça. On devrait l'atteindre. Coupe de zéro, là. Mais on. Ben c'est ça, mais c'est pas des 1, c'est des 0. Voilà, ça se ramasse bien. Ça se ramasse bien. Et on vous rappelle évidemment qu'il y a toujours le ckiafm.org, le site web de la station, pour aller chercher votre carte de membre de cette année. Un petit 20$ pour encourager la station, qui va vous offrir aussi des avantages avec les marchands locaux. Donc ça vaut la peine. C'est un petit 20$ pour encourager, entre autres, des émissions comme Puissance Maximale, des émissions comme la nôtre, avec qui nous offre un micro libre à Québec et la possibilité de mettre de la musique différente sur les ondes. Et voilà. Et mon nom à moi est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu et rejeu. Je me dis, là, ça prendrait un son, des gens qui applaudissent et font « Ouais! » Non, mais ça, c'est... ça serait cool. Ah, on devrait trouver ça. On a quand même trouvé du bacon qui cuit pour le Radioton. Effectivement. Ça se trouve assez facilement, je suis sûr. Et comme à notre habitude, mesdames et messieurs, on va commencer en musique avec l'émission et on va y aller avec la chanson « La traversée des colocs ». On vous envoie ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. À cause tu fais ça même demain. Du lac Saint-Jean. Avec nous autres, ça prend 3 jours. L'année passée, on a coulé. Cette année, on fait le tour. Yeah! donc, j'aimerais. À cause tu fais ça même demain. À cause tu fais ça même demain. Du lac Saint-Jean. Avec nous autres, ça prend 3 jours. L'année passée, on a coulé. Cette année, on fait le dos. À cause tu fais ça même demain. Elle a foué là. Parle-moi pas comme ça. Ok, à Robert Val tout le monde. À Robert Val, pour voir un bon show avec mon club. La traversée du lac Saint-Jean. Avec nous autres ça prend 3 jours. L'année passée on a coulé. Cette année on fait le dos. Ok, on est arrivé. Passe-moi le volant. Hey, c'est où c'est ton mot de Jaune-jaune aussi, écoute, puissance maximale. Et oui, de retour à puissance maximale après la traversée des colocs. Et là, on va traverser, mais de l'autre bord de l'Atlantique, avec M. Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique. Salut Pierre-Luc, comment ça va? Ça va très bien, bonjour à vous deux, ça va? Ben oui, toujours, toujours. Et là, aujourd'hui, on va vous parler sécurité informatique, bien entendu, avec Pierre-Luc, mais aussi de Dame Nature, parce que oui, mesdames et messieurs, la réalité, là, telle qu'on le connaît, là, a ses influences sur l'informatique. Et là, la preuve, j'en suis une victime. Et voilà. Et là, Pierre-Luc va nous parler des conséquences de Sandy, de l'ouragan Sandy, sur un peu la sécurité informatique et l'informatique en général. Exactement. L'ouragan Sandy, vous l'avez vu un petit peu plus de proche que moi en France, mais malgré tout, j'en ai fait les frais moi aussi, ou presque, là, je devrais dire, parce que ben, j'ai mon site, moi, que j'ai appris un peu comme ça qu'il était hébergé à New York, donc sur l'île de Manhattan, donc en plein dans le coin où il y avait des inondations. Donc, au départ, là, ils nous annonçaient qu'il allait avoir des pannes et tout. Finalement, ça n'a pas eu lieu, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu des gens là, qui ont mis tout en œuvre pour que ça arrive pas. En gros, pour vous conter l'histoire, donc moi, je suis hébergé chez Squarespace. Puis, donc, il y a des employés là-bas qui se sont mis à... En fait, qui ont été obligés, suite à des pannes là, de pompes d'essence. Là, donc, ces pompes-là devaient monter l'essence jusqu'au toit où étaient les génératrices. Et ces pompes-là avaient été inondées. Donc, ces gens-là ont dû être obligés de monter carrément à bras, là, avec des chaudières, je veux dire, vraiment, vraiment sans moyens, là, puis dans le noir. Le plus possible d'essence, le plus vite possible, pour essayer de garder, garder les génératrices en route. Puis finalement, ils ont réussi vraiment en s'épuisant et tout. Donc, j'ai pas été impacté, mais ça a vraiment, vraiment passé proche. C'est très drôle, c'est qu'avec ce genre d'événement-là, on peut voir à quel point justement des salles de serveurs comme ça, c'est important, puis ça peut impacter. On a juste Wall Street a fermé pendant quoi 2 jours, puis là ça a influencé l'économie mondiale. Donc quand on a des sites importants qui peuvent être hébergés comme ça, puis qui sont fermés pendant autant de temps, mais là ça peut impacter là directement dans la réalité. Là. Ouais, mais aussi en même temps, c'est impressionnant visiter une salle de serveur. Là. J'ai eu l'occasion d'en faire une de visite dans le cadre de mon travail là, puis c'est surprenant par exemple que les génératrices aient eu des pannes là, parce que généralement il y a comme... T'sais, je fais juste une référence comme ça. Les salles de serveurs HyperTech, ils ont genre peut-être 3 génératrices de backup, là, au cas où il y en a qui lâchent, là. Fait que c'est surprenant pareil. Mais là, Pierre-Luc, par rapport à Sandy, là, ce qui s'est passé, est-ce qu'on sait s'il y a des sites importants qui ont été affectés par ça? Ouais, ben c'est sûr que celui-là, ça, y a, c'est celui-là qui a fait le plus de bruit là, parce que c'est quand même 1,4 million de sites web qui sont hébergés et puis qui étaient menacés là, de fermeture. Donc c'était des gens qui, je veux dire, qui vendent un peu n'importe quoi ou des sites perso aussi. Ben le mien c'est plus un site perso. Moi ça me dérangeait pas personnellement d'avoir une panne dessus, mais c'est clair qu'il y aurait des gens que ça aurait vraiment vraiment été dommage, ça aurait causé des pertes d'argent pour eux. Donc oui. Il y a vraiment des impacts sur le monde réel. Donc, c'est ça, Squarespace s'en sont vraiment bien sortis, mais vraiment là, sur la peau des fesses. C'est en tout cas, s'il y avait eu la moindre panne, c'est sûr que leur client aurait vraiment gueulé. Le problème, ben, en fait, moi, je considère que c'est un problème, c'est que là, les clients, justement, comme il n'y a pas eu de panne, les gens sont très... heureux de ça, bien sûr, mais que en fait, ils mettent pas en doute justement là, le côté préparation là, qui manquait. Donc, c'est sûr que bon, un ouragan comme ça sur New York, c'est pas le genre de choses qui arrive très souvent, mais il peut arriver n'importe quoi, un feu ou quoi que ce soit. Il faut être capable d'avoir son information qui se déplace vite d'un site à un autre, par exemple, vers une autre salle de serveur pour qu'il n'y ait jamais de coupure, par exemple. Donc, c'est vraiment important là, dans le domaine de la sécurité d'avoir le plus possible là, l'accessibilité aux données et la disponibilité des données est super importante aussi. On pense souvent aux hackers puis tout ça, mais ça fait partie aussi de la sécurité informatique, là, cette partie-là. Une autre réalité là, qui a été touchée, Pierre-Luc, j'imagine, parce qu'il peut être affecté là, pas nécessairement dans ce cas précis-là, mais dans d'autres cas, c'est le fameux cloud. Là. Donc, on a nos informations personnelles qui sont emmagasinées ailleurs, justement dans le genre de serveur là, puisque là, on n'y a plus accès parce qu'il y a des pannes. Ça, c'est une nouvelle réalité qui est de plus en plus présente, là, autant dans le monde informatique, business corporate, que dans le monde du jeu, là, qu'on parle beaucoup à l'émission ici. Est-ce que là, on a eu des cas, là, côté clouding, là, où ça a été affecté finalement? Ben c'est sûr que la façon que ça fonctionne de plus en plus avec les bandes passantes qui deviennent de plus en plus importantes, l'information devient de moins en moins locale, donc tout est connecté et tout, c'est de plus en plus vrai. Donc mais en même temps, il faut être certain que derrière ce cloud là justement est vraiment un cloud robuste et puis qu'il y a plusieurs sites et puis que si jamais il y a un site qui tombe, ben c'est pas tout le système qui tombe là en fait. Fait que c'est vraiment important de savoir, au-delà de dire ouais, ah c'est du cloud, c'est correct, tu sais, de dire ben oui, c'est du cloud, mais c'est quoi exactement, combien de sites que vous avez, est-ce que vous avez des sites de repli, est-ce que ça va être automatique, est-ce que ça va être une intervention humaine qui va faire que ça va passer d'un site à l'autre, c'est quoi vos plans par rapport à ça justement en cas de pépin ou en cas de vraiment désastre. Quand on parle de désastre, là, c'est sûr que ça peut être un désastre naturel, ça peut être un désastre, un accident ou vraiment quelque chose là d'humain, là, un humain qui aurait voulu vraiment faire du tort. Donc il faut penser à tout ça aussi. Donc il n'y a pas juste les hackers là, qui peuvent faire du mal là, dans l'histoire. Mais justement, là, je me posais cette question-là. Dans ce genre de situation-là, est-ce que ça peut être plus propice pour les hackers qui voudraient s'emparer de données personnelles pendant ce genre d'événement-là, pendant des transferts de données, justement dans le cas du clouding? Est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus propice pour les hackers d'attaquer à ce moment-là pour réussir à avoir ce genre d'informations-là? Ben, c'est-à-dire que les hackers, bon, comme la donnée n'est pas disponible, c'est plus difficile pour n'importe qui, de toute façon, d'accéder aux données. Mais ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font à chaque fois, là, c'est d'envoyer... En fait, ils lancent des campagnes de spam comme ça pour, essayer de ramasser des fonds. En fait, c'est des spams qui ont l'air de venir d'organismes là, caritatifs, donc des UNICEF ou quoi que ce soit, qui, donc, disent... il y a eu une catastrophe, donner de l'argent pour reconstruire ou pour héberger les gens qui ont perdu leur famille ou leur maison ou leur ce genre de choses là. Donc et ça tombe directement dans leur poche à eux. Donc ça c'est vraiment pas nouveau. À chaque fois qu'il arrive un truc dans le genre, c'est toujours ce qui arrive. Il y a toujours une vague de spam de ce type-là. Donc oui, ils ont pas de scrupules. Ils trouveront toujours un moyen de prendre avantage de la situation, même ce genre de situation-là. On a vu ça avec le tremblement de terre à Haïti ou partout ailleurs, toutes les catastrophes qu'il y a pu y avoir, le tsunami. C'est exactement le genre de choses que eux recherchent pour aller jouer après avec la corde sensible des gens, puis les forcer à leur donner de l'argent. Excellent. Mais c'est finalement que les hackers vont pas tant profiter de la situation pour aller extraire des données, mais justement pour faire de l'extorsion carrément, se servir de la situation. On a remarqué qu'à l'époque ça se faisait par téléphone, mais maintenant on le fait directement sur le net. Exactement, mais c'est sûr que c'est juste les moyens qui ont changé. Hein. Ce genre de choses-là a toujours existé, de justement se faire passer pour un organisme pour récupérer de l'argent derrière. Ça a toujours été le cas. Donc c'est juste les moyens qui changent, mais les moyens, en fait, c'est ça, le but c'est toujours le même, c'est d'aller chercher de l'argent dans les gens qui ont des bonnes intentions puis qui veulent juste bien faire, dans le fond. Excellent. Mais merci beaucoup, Pierre-Luc. C'est déjà terminé là pour notre chronique sécurité ici. Je rappelle rapidement que Pierre-Luc Pelletier est l'autre, finalement, est celui qui tient le blog sécurité101.com. Allez voir ça. Un excellent vulgarisateur côté sécurité informatique. Donc, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc, encore une fois, d'avoir participé à notre émission et de cela à partir de la France. Toujours un plaisir de t'avoir, cher ami, à notre émission. Et on se dit à une prochaine fois. Merci à vous deux, puis à bientôt. Bye. Merci Pierre-Luc. Et on continue en musique avec une autre chanson, M. Castegan. Oui, ça va être la chanson For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls, mais je pense que c'est la version Apocalyptica qu'on va entendre. Exactement. Donc une version violoncelle de cette excellente chanson de Metallica. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Le cristal de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse, mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après For Whom the Bell Tolls version Apocalyptica. Et on va continuer avec une chronique de M. Andrew Castegan et tu vas nous parler de Halo 4 qui est sorti cette semaine. Oui, bien sûr, mais avant, il faut que je dise, je ne me tannerai jamais de ces indicatifs. Ah non, non plus. Si François nous écoute, là, sérieux. Chapeau bas. Chapeau, je sais qu'il date de longtemps, là, mais chapeau. Donc, parlons Halo qui est sorti mardi, Andrew. Oui, Halo 4, jeu, en fait, série phare de la console Xbox de Microsoft. En fait, certains diront que Master Chief est le Sonic de Microsoft. Beaucoup moins charmant que Sonic. Ben, c'est sûr qu'en tant que Sega fanboy de l'époque et en étant un vendu éternel de Sonic, même les navets, je disais, il est mauvais, mais il y a ça qui fait en sorte qu'il est bon. Malgré que je suis pas une référence avec Dynasty Warrior non plus, là, mais bon. Effectivement. Mais tout ça pour dire que jeu qui on réinvente pas la roue là, t'sais, en fait on peut même faire une comparaison. Halo est un peu le Call of Duty aussi, t'sais, c'est mm-hmm. c'est tout le temps un peu la même formule recyclée, mais bref, jeu sorti mardi qui était dans le fond le premier vrai Halo 9 fait par le nouveau studio que Microsoft a engagé pour faire la série, parce qu'il faut savoir que Halo avait été créé à l'origine par Bungie qui ont terminé leur entente avec Microsoft d'exclusivité avec Reach. Et dans le fond, Microsoft ont signé avec 343 Industries pour prendre le flambeau. Et ils ont commencé ça par faire le fameux Halo Anniversary Edition là, qu'on avait un petit peu ri l'année passée parce qu'on a fait. Ils n'ont pas annoncé un nouveau Halo, mais on avait juste mal lu la nouvelle. En fait, j'avais mal lu la nouvelle. Mais ça pour dire que. Est-ce que 343 Industries ont réussi leur pari? Je vous dirais que oui. Mais haut la main avec Halo 4, je vous dirais là, qu'ils ont rentré dans. En fait, Bungie peut aller se rhabiller. Là. C'est pas compliqué. Là. Ils ont développé un nouveau. Ils ont développé un engine graphique. C'est vraiment là, pour lancer la franchise. Et je vous dirais là, qu'il a de la gueule, mes amis. Le jeu est de toute beauté. Je vous dirais, les cinématiques, là, pendant un moment, là, je vous dirais là, que je regardais les cinématiques de Halo 4, puis je me disais, coudonc, je suis en train de jouer à Heavy Rain sur PS3. C'est à ce point-là. Là. Puis au niveau du jeu, je vous dirais là, que ils ont fait vraiment un lifting graphique au niveau des textures et tout ça. Là, quand on regarde le métal, on a un reflet métallique, on voit que c'est de la tôle, puis tout ça, puis ils ont changé les sons entièrement des armes pour vraiment mettre des choses plus réalistes. La physique des armes aussi est mieux faite. Et quand on a un gun, une mitrailleuse, dans le fond, qui a du recul, ça va jouer, dans le fond, là, sur le viseur. Donc, t'es vraiment un remaniement complet. Là, on parle pas juste d'une suite, là, on parle vraiment de revampage de la franchise là, au niveau du gameplay jusqu'à un certain point. Ben, là. T'sais, ils ont pas dénaturé le jeu parce que, faut pas se cacher, les Halo fanboys, ils sont habitués à ce genre de jeu-là dynamique. Puis, on y appelle Halo un peu Trigger Frenzy parce que c'est dans un monde sci-fi, il y a des armes tout plein destructrices, bref. C'est des balles, il y en a, puis on se casse pas la tête, puis on fonce dans le tas. Le gars, il y a pas de barre de vie, il y a juste une barre d'armure, il peut manger 4 grenades. Ben non, peut-être pas 4 là. les grenades grivières, c'est à peu près 2-3, la grenade Covenant, ça te colle dessus, tu meurs. Mais tout ça pour dire que dans le fond, le gars, il peut en absorber, puis c'est le même depuis le début de la franchise, puis le monde, ils sont bien corrects avec ça. C'est pas comme Call of Duty que le gars, c'est un humain avec de la peau humaine. Puis il peut se manger 6 chargeurs de M16, puis il est encore vivant. Là, on s'attend à ça. La convention fait que Master Chief, il est fait en béton, c'est un Spartan, amenez-en, ça, il n'est pas de longueur. C'est ça, exactement. Puis là, ils ont respecté ça, ils n'ont pas changé ça, mais c'est juste que ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont. Bungie, vers la fin, autant que je respecte Bungie, c'est un excellent studio, vers la fin, on voyait là, que c'était un petit peu plus garroché, ces affaires. Reach était excellent. Au DST, c'était... Moi, personnellement, je l'ai trouvé assez moyen au DST. Le 2 et le 3, je trouve qu'il aurait pu faire un jeu avec ça. Il y avait du contenu pour faire un jeu, mais ils ont séparé ça en deux jeux. on voyait qu'il diluait un peu la sauce. Puis, tu sais, il y avait peut-être plus autant d'affection envers la franchise Halo que qu'est-ce qu'il y avait dans le premier jeu de la série, là. Tandis que 343 Studio, Industries, ben, tu sais, un nouveau studio, ils veulent faire leur preuve. Ah ouais, emmenez-en. Puis là, vraiment, c'est fracassant. Je vous dirais, là, j'ai été très surpris là, du résultat du jeu. Là. Il est beau graphiquement, une belle physique. Je vous dirais, il y a peut-être juste certaines affaires au niveau du poids des objets des fois. Là, on fait des actions sur des grosses pièces de métal avec Master Chief. Puis Master Chief a de l'air de lever ça comme si de rien n'était. Puis je sais qu'il y a une armure là, qui est supposée le rendre plus fort, là, mais t'sais, ça m'étonnerait qu'il est capable de botter avec un pied la security lock dans le fond d'une porte de missile là. Je vais pas être plate là, mais ça cause que la barrure est plus grosse que lui là. Si on parle en tant que tel de la trame narrative, on se retrouve où dans la trame narrative générale de la franchise Halo? Est-ce qu'on on assiste à un reset ou non, c'est vraiment en fait, c'est la suite logique là? C'est la suite logique dans le fond là, de Halo 3. En fait, je peux pas donner tant de détails que ça parce que le monde qui ont pas joué à Halo 3, je vois comme vraiment ouais, mais avec la fin. Ouais, mais depuis le temps là, moi je pense que ça dérange pas. Non, j'ai une limite morale. Mais bref, ça se repasse quand même plusieurs années après la fin du 3. 4 ans. Merci, spectateur du studio. Oui, parce qu'on a un spectateur en studio aujourd'hui, mesdames et messieurs, M. Pierre Courtemanche, un fan de l'émission qu'on a gracieusement invité à venir en studio. Puis là, il s'est présenté aujourd'hui. Donc, merci, Pierre, de nous envoyer des doigts comme ça pour nous dire le nombre d'années. Merci. Merci. Mais tout ça pour dire, c'est à cause qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde, ils peuvent se dire, OK, il y a 4 ans de trou, fait qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est faux, en fait. Microsoft ont quand même sorti pas mal d'éléments pour nous meubler ces 4 ans-là. Et c'est comme justement, parce que moi, juste pour vous dire, j'ai eu à peu près le temps de jouer 2 heures au jeu. Mais je me suis informé à un de mes collègues qui a eu le temps de jouer plus en détail au jeu. Fait que j'ai eu plus l'aperçu d'ensemble. En fait, il l'a fini. Et qu'est-ce qu'il a recommandé? C'est que c'est vraiment d'écouter la série que Microsoft ont faite, qui est dans le fond Halo Forward Unto Dawn. Fait que dans le fond là, qui est la série qui meuble un peu dans le fond là ce moment-là, puis en même temps donne plus d'informations sur le projet Spartan, tout ça, parce que dans le fond Master Chief, c'est comme on dit, c'est un Spartan, puis c'est un projet dans le fond de super soldat et tout ça là, puis, ah, le concept de super soldat, on en a fait des jeux et des films avec ça. Exactement. Puis dans le fond, c'est, il donne plus de détails là-dessus. Puis chose à savoir, c'est que dans le projet avait été abandonné, puis le Master Chief était le dernier qui existait, et dans le 4, le projet est reparti. Puis, c'est-tu le même? Du moins, le dernier qu'on connaît qui restait. Mais là, c'est-tu le même Master Chief, là? Ou oui, c'est le même Master Chief. Mais ou c'est son dire, frère jumeau? Non, c'est le même. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, dans le 4, le projet et l'opération Spartan est reparti, dans le fond, puis il recommence à produire des super soldats, puis toutes ces affaires-là. Puis ça permet d'avoir ces informations-là dans la série. Puis aussi, en même temps, il y a eu des romans aussi qui permettent d'avoir l'à côté et aussi expliquer l'origine, dans le fond, du nouvel ennemi. Parce que, chose à savoir, dans Halo, il y avait deux types de monstres. On avait les Covenants, qui étaient des extraterrestres un peu religieux, qui cherchaient les Halo pour sauver l'univers du Flood, mais finalement, c'est une grosse arnaque, puis ça allait tout exterminer. Puis bref, je dirais pas plus de détails, parce qu'encore une fois, je vais tout vous spoiler. Bref, des extraterrestres religieux ils fanatiques. Ils sont pas particulièrement méchants, mais ils sont méchants. Fait que, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une alliance entre les humains et les Covenants pour qu'on se batte contre un ennemi commun qui est la deuxième bébite, qui est le Flood, qui est un genre de parasite. Moi, je les appelais affectueusement le popcorn, parce que les petites bébites ressemblent à des grains de popcorn, puis quand on les tire, ils explosent. Et il y en a un de ceux-là que c'est un gros sac. Fait que quand on le tirait, il tombait à terre, puis il éclatait comme un sac. Fait que c'était de toute beauté. Et dans le fond, c'est le 1, 2, 3, c'est la lutte contre ce parasite-là. Et il existe plus. À chaque fois, on pense qu'on le tue, mais c'est quasiment omniprésent, cette bébite-là. Mais on le remet au sommeil. On va résumer ça de même. Et on dans le 4, on sort bon encore contre des Covenants, mais il y a une nouvelle bébite qui est une sorte d'extraterrestre encore plus redoutable que le Flood, d'après ce que mon collègue m'a dit, qui c'est les Prométhéus. Donnez-moi 2 petites secondes. Prométhéus. Les Prométhéans. Prométhéans. Et dans le fond, c'est une genre de sorte d'alien cybernétique d'énergie pure. Ouais, j'avais vu passer ça dans les trailers, effectivement. T'sais, c'est pas tant physique que ça. T'sais, vous l'avez vu dans le trailer, là, t'sais, ça ressemble à être une énergie avec une genre de tête de mort là, quand il rouvre son casque. Mais en fait, les Prometheans, c'est dans le fond une sorte de vie artificielle qui viendrait des fameux architectes, dans le fond, là, qu'on entend tant parler, qui est l'équivalent de Dieu, dans le fond, mais version alien, là, t'sais, qui a créé quasiment tout ce qui existe sur la planète, dans l'univers. Mais ça serait les résidus de ça. Mais c'est qu'est-ce qui a été déterminé. On en apprend un petit peu plus loin, ça serait peut-être les architectes, ça serait peut-être pas eux autres, parce que c'est des... ils sont capables d'analyser, ils savent tout, puis ils sont hyper intelligents, puis ils violent les gens. Donc, ouais, ben c'est ça, fait que... Donc notre invité nous dit qu'effectivement, ces fameux protéines-là, ça serait eux, les architectes. Mais bref, merci Pierre. Donc, ouais, c'est donc une nouvelle race, un nouveau... On revampe la franchise finalement. Côté graphique, le gameplay, tu nous disais que ça ressemble pas mal à ce qui se faisait avant. Ben, ils ont rajouté quelques petites affaires intéressantes. En fait, il y a des nouvelles armes qui sont dans le fond les armes des Prometheans qu'on peut ramasser pour utiliser, qui ressemblent beaucoup à des armes Covenant, mais... plus fortes, ils font plus mal. Et aussi, en même temps, ils ont rajouté... Ben, ils avaient commencé à mettre ça dans Halo Reach, mais là, ils ont augmenté ça d'un cran. Les fameux skill cam. Donc, oui, c'est toujours le fun, quand ça. On fait des attaques de mêlée contre les ennemis, on n'a pas tout le temps, mais des fois, le droit à une belle animation de « je te casse le cou et je te pète en deux ». C'est toujours le fun. Mais c'est pas la seule animation, là, mais tu sais, c'est... Kill cam, c'est le fun, mais quand t'as tout le temps la même kill cam, ça, c'est... Mais parce que dans Reach, il y en avait mis une quand qu'on tuait l'ennemi de façon silencieuse. C'était dans le fond, quand on arrivait en arrière de l'ennemi puis il nous avait pas vu, on avait le droit à ce genre de petite animation-là. Mais là, ça peut être carrément de mêlée. On peut être en avant de l'autre, puis on fait ça, puis si on one-shot, ben on ne peut avoir droit à une genre de petite animation. Et c'est toujours le fun de voir Master Chief à la troisième personne démolir un alien. C'est de toute beauté. Fait que, tu sais, je vous dirais, il y a eu ces petits ajouts-là. Sinon, non, c'est relativement semblable. Je vous dirais, le revampage était beaucoup graphique. Les Covenants, les armures, tout ça, ont changé. Comme exemple, les Tigrunt, genre des petites bébites de base, là, qui normalement lèvent les bras en l'air, font « Oh mon Dieu! » Puis ils se sauvent. Ben, ils ressemblent plus pantoute à ça. Ils ont tout changé de design. Et les Covenants ne parlent plus aucunement anglais. Ah, ils ont leur langage maintenant. Ils ont leur langage. Ils sont fiers de leur langue. Ils ont décidé de l'affirmer. Il y a du monde qui trouve ça un peu dommage, mais d'autres personnes disent que ça rajoute encore plus à l'humoristique parce que voir un grand se lever les mains et puis faire « Oh my God! Ouais. Run away! » Ben, il aime mieux entendre des « La vie! » Fait que... Ben, moi-même. j'ai pas joué beaucoup à Halo, mais je trouve ça toujours plus le fun. En tout cas, bref... Moi, je trouve ça plus le fun comme ça. C'est plus réaliste, entre guillemets, mais bon. Mais je vous dirais, en tant que tel, la campagne est pas très, très longue. Je vous dirais, mon collègue qui est un habitué d'Halo l'a passé à normal en 5 heures approximativement. Oh, c'est cool. Il a fait un estimé que à normal, quelqu'un qui est relativement habitué à Halo va le passer entre 5 et 8 heures. Sinon, par exemple, il dit la curve monte énormément quand vous jouez dans les niveaux de difficulté, quand vous montez à « hard ». Ça monte énormément de difficultés parce que l'intelligence artificielle a été beaucoup retravaillée par 343 Industries. Donc, attendez-vous à des surprises parce que les Covenants ne se battent plus de la même façon. Puis, vous avez une nouvelle sorte d'aliens à vous battre contre. Puis, il paraîtrait qu'ils sont très tough à descendre. Fait que je vous dirais que ça peut être intéressant de jouer à différents niveaux, dont le fameux mode légendaire. Sinon, le multijoueur. Beaucoup de monde achète Halo pour le multijoueur et vous allez retrouver exactement la même chose qu'à l'époque. C'est pas parce que Bungie s'en occupe plus que le multijoueur va être réinventé. C'est la même affaire. Vous allez pas être en terrain inconnu, puis vous allez juste avoir plus de maps, plus d'armes. Et vous allez pouvoir tout vous péter à la gueule, comme à l'époque. Excellent. Merci beaucoup, Andrew, pour cette critique de Halo 4. Mais là, en terminant, là, toi, malgré le 5 à 8 heures, là, tu recommandes ça pour un achat ou une location? Ben, moi, je l'ai acheté parce que j'ai le 1, le 2, le 3, et l'aspect de collection, tu sais, vous me connaissez. Mais je vous dirais que c'est un très bon jeu de la Xbox. Je vous dirais, quelqu'un qui a une Xbox se doit d'avoir les jeux d'Halo parce que c'est un des rares jeux de shoot que vous êtes encore capable de jouer en split screen sur la même console. Il y a du monde qui aime pas ça, mais tu sais, je trouve que ça a un cachet rétro qui est très intéressant. Puis en même temps, ben le jeu, il est le fun. Bon, depuis le 1, il est le fun. Fait que je vous dirais que c'est un bon achat. Puis il y a une bonne durée de vie à cause du multijoueur. Fait que c'est un achat. Excellent. Merci beaucoup, Andrew. Et on continue en musique avec une autre chanson. Et si je me rappelle bien, c'est Le Temps des Cerises avec, en fait, c'est tiré de la trame sonore du film Porco Rosso, un excellent film des studios Ghibli, donc studios japonais, qui nous ont donné les excellents Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro et entre autres beaucoup d'autres encore. Donc Porco Rosso qui est excellent également, je vous le recommande à tous, et vous entendez Le Temps des Cerises ici à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Anne chantera le temps des cerises, et rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux. Nous chanterons le temps des cerises, chifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va doux, qu'iront rêvons dépendant de. En gouttes de sang, mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'en cailloux rêvons. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une pelée ouverte. Puissance maximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Et je vais vous faire une critique à mon tour. Je ne l'ai pas lancé au début de l'émission, mais je vais vous parler film aujourd'hui. Et oui, et un film sur les jeux vidéo. Ça s'appelle Wreck-It Ralph. En français, c'est Les Mondes de Ralph. Ralph. Et c'est un jeu, finalement, qui se passe à l'intérieur de l'univers des jeux. Mais quand je dis à l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur. On va suivre les aventures. En fait, la volonté de changer de destinée de Ralph, qui est Wreck-It Ralph, ou Ralph Lacasse, je pense, ouais, en français, qui est le méchant dans un jeu d'arcade depuis des années, un jeu qui s'appelle... 20 ans. Depuis, ça fait 20 ans qu'il est le méchant dans un jeu d'arcade qui s'appelle Felix Fix. Et finalement, c'est que... En fait, c'est Felix Fix Junior. En français, mais je sais pas, en anglais. Alors, bref, Felix Fix, donc, qui est un jeu où lui détruit un immeuble et le personnage de Felix Fix Junior arrive et répare tout grâce à son marteau magique. Mais là, après 30 ans, Ralph est tanné d'être un méchant parce qu'il faut comprendre que dans ce film-là, les personnages du jeu... Ça fait penser un peu au monde des Toy Story, un peu histoire de jouets. C'est ça pour le genre de comment les personnages du jeu vidéo vont vivre finalement leur réalité dans le jeu. Ils sont conscients que c'est un jeu. ils sont conscients qu'ils sont là pour amuser, qu'ils jouent un rôle dans le jeu, mais ils prennent quand même leur rôle au sérieux. Donc, Ralph est rejeté un peu de la communauté, là, parce qu'il y a des habitants dans l'immeuble qui le détruit. Là, à chaque fois, il remercie Félix parce qu'il a réparé, c'est le héros. Et le méchant, ben, lui, il reste dans un dépotoir, en fait, un dépotoir de briques. Parce que lui, à force de détruire des immeubles, ben, il se ramasse des briques, donc il dort là. Puis à un moment donné, il est tanné, il veut devenir un héros. Alors, pendant qu'il est en sortie, parce que les personnages peuvent voyager d'une machine à l'autre. D'une façon vraiment... très cool. Très cool. Par le fil électrique, en fait. Les fils électriques servent comme de... station de métro. Ouais, c'est ça, comme de tunnel de métro jusqu'à la power bar où toutes les machines sont branchées. Et c'est comme la gare centrale. Et là, les personnages peuvent aller d'un jeu à l'autre pour aller voir leurs amis qui font aussi partie de d'autres jeux. Et d'ailleurs... Ralph au début fait partie d'un club de méchants anonymes. Des méchants anonymes où il va dire ben là moi j'aimerais ça changer, mais les autres ils essaient d'accepter leur nature de méchant et dans cette gang là il y a on voit deux de mes méchants favoris de tous les temps. Dr. Wily de Sonic. Robotnik. Robotnik et le fantôme orange de Pac-Man. Oh oui, donc Robotnik. Il y a aussi Zangief de Street Fighter, Mr. Bison de Street Fighter également. Bowser. Il y en avait plein. En fait, surtout le début du film, il y a beaucoup de caméos de personnages connus. Ralph a été créé, là, c'est une franchise qui a été créée pour le film. Et L'arcade en question a été inspirée de l'arcade de Donkey Kong. L'inspiration est assez visible là, quand on regarde le film. Et là, après cette rencontre-là, il décide de devenir un héros, d'aller se chercher ce qu'ils appellent une médaille, donc c'est comme la récompense du vainqueur dans chaque film. Puis là, dans cet univers-là, dans chaque arcade. Et dans cet univers-là, ben la médaille, ben ça représente la victoire. Et il se fait dire par les gens de son jeu, ben quand tu auras une médaille, tu viendras nous voir, ben on va te respecter. Ça fait que lui, il va aller se chercher ça. Il va dans un jeu, il réussit à en avoir une, mais je vous raconterai pas tout, mais finalement sa médaille se ramasse dans un autre jeu qui s'appelle Sugar Rush, où c'est un jeu finalement de karting dans un monde de bonbons. Il rencontrera différents personnages dans ce jeu-là, dont une amie, une acolyte, une ennemie au début qui deviendra son acolyte, Vanellope. Voilà, là, une petite fille qui course dans ce jeu-là. Et là, il va y avoir des aventures qui vont se passer avec lui dans ce jeu-là, avec Félix qui va essayer de le retrouver, parce que là, quand les gens allument son arcade, ben Ralph n'est plus dans le jeu. Donc, le jeu avance plus. Et d'autres personnages qui vont se mêler à ça, des personnages connus, surtout pour des caméos, parce que il n'y a pas vraiment de personnages connus qui ont un rôle vraiment permanent dans le film. C'est surtout des caméos. On va les revoir à l'occasion. Mais je trouve que c'est l'idéal, parce que ça dénature pas le personnage, parce qu'on le voit comme on le connaît. Puis en même temps, ben, on a la satisfaction de le voir dans un film. C'est en plein ça. Juste voir Ken puis Ryu au début du film. Bon, viens-tu prendre un verre? Et Ken qui dit à Ryu, ouais, mais si c'est toi qui paye. Juste les voir là, fait excellent, c'est très drôle, on est content de les avoir. Dans l'arcade de Bartender, le vieil arcade où dans le fond on avait le barman qui devait lancer des verres pour empêcher le monde de se rendre au bout du comptoir et ramasser les verres après. Ouais. C'est de toute beauté. C'est vraiment bien pensé. Les camions sont bien pensés, sont bien intégrés à l'histoire. Autre fait vraiment important dans mon cas. Moi, je suis pas un gros fan du 3D, mais moi, je suis allé voir le film en 3D la fin de semaine dernière. J'ai été très agréablement surpris. Il y a un très beau 3D pour ce film-là. Faut dire que pour les films d'animation, j'ai l'impression que c'est plus facile. C'est comme pour le HD. Moi, j'ai toujours dit que les plus beaux films que vous pouvez voir en haute définition, c'est les films d'animation, surtout les plus récents. Si vous allez voir, comme moi chez nous, j'ai le Roi Lion en Blu-ray, je l'écoute, on voit les traits à l'époque. C'est drôle, c'est beau, c'est le fun pareil, mais les plus vieux films, c'est plus plate un peu. On va voir justement tous les traits de crayon. Mais des films, justement, des excellents films d'animation là, plus récents, c'est vraiment de toute beauté. Puis là, c'est le cas ici avec ce film-là. Puis la 3D est vraiment très belle. Et autre chose à noter, moi, j'ai vu le film en français et il y a eu une grosse campagne de pub là, au Québec, parce que ça a été traduit au Québec. Puis habituellement, les traductions de films animés au Québec sont toujours très bien faites. J'ai jamais rien eu à redire là-dessus. Et là, c'est Philippe Laprise, qui est un humoriste, qui a fait la voix de Ralph, et j'ai été vraiment jeté sur le cul. Il est très bon. J'ai adoré ça. Il joue bien, c'est bien joué, c'est... La voix fit vraiment numéro un avec le personnage. C'est la première fois qu'il faisait ça. Benoît Brière aussi qui fait le roi de, du monde de Sugar Rush. Sa sucrerie. Oui, c'est ça, sa sucrerie. J'aime ça, moi, comme titre, sa sucrerie. Mais aussi, en même temps, qu'est-ce que j'ai été surpris, il y a certains jeux de mots qui est en lien avec des jeux vidéo, puis malgré la traduction, ils ont quand même bien réussi à les conserver. Avoir des bons jeux de mots francophones, pareil. Non, la traduction, le doublage, là, c'est vraiment deux pouces en l'air pour m'exprimer en français. Je lève les miens aussi. Ah, ben quatre, écoute, même Pierre ici lève les siens, même s'il n'a pas vu le film. Donc, imaginez s'il l'avait vu. Donc, un excellent doublage. Donc, si vous êtes pas sûr, vous arrivez, il n'y a pas la version en anglais, n'hésitez vraiment pas. C'est bien joué. Celle qui fait la voix de Vanellope, la petite fille, très bon, très cute. Benoît Brière est excellent. Toute la distribution est très bonne. Moi, j'ai été franchement étonné. Un film de qualité. On est allé en fin de semaine, on a payé plein prix au cinéma. Puis, j'ai vraiment pas regretté mon expérience. Excellent film d'animation, une nouveauté. Peut-être pas aller voir ça avec des enfants trop jeunes, parce qu'il y a quand même certaines scènes où il y a des créatures qui peuvent faire. Là, je dis ça parce que moi, j'ai rendu qu'une filleule de presque un an, là, que je commence à penser à ça. Quand je ferai des sorties avec elle, je commence à penser quel film je vais aller voir. Ben, j'aime mieux en parler dans ce genre de critiques-là. C'est toujours le fun de savoir. Ça fait que les enfants, peut-être en très bas âge, peut-être à éviter. Mais, c'est un excellent film. Je le recommande à tout le monde. Autant les gens qui adorent les jeux vidéo. C'est plein de jolis clin d'œil comme ça, ou seulement les gens qui aiment les bons films d'animation, allez voir ça, Wreck-It Ralph ou Les Mondes de Ralph, vous pouvez aller voir ça au cinéma, c'est en salle présentement. Donc voilà, c'était ma critique de ce film. On va continuer avec une dernière chanson avant de terminer l'émission, et cette chanson-là, Andrew, c'est laquelle? C'est la Traversée. Non, on l'a faite au début non, de l'émission. Non, on l'a faite. La compagnie. Oui, la compagnie du chien rugissant de Nile Band, un classique des classiques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté de Nile Band à puissance maximale. Alors, on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Nous étions quatre assis dans l'auberge, buvant une chope de nos maigres deniers. La bourse était vide, tout comme notre sac à dos. La compagnie attend un boulot. Une guerrière farouche, un voleur du nord et moi l'elfe noir. C'était notre groupe au nom déjà éloquent, la compagnie du chien rugissant. Il est sorti des ombres mouvantes, grandes silhouettes encapuchonnées, avec l'air méfiant de ceux qui sont avisés. La compagnie salue l'étranger. Braves amis, cherchez-vous l'escapade, dit-il en se joignant à notre table. J'ai besoin urgent d'un parti d'aventuriers. La compagnie commence à l'aimer. Je vous envoie retrouver mon chez les brigands, vous irez le chercher. L'affaire est plaisante, mais y serons-nous gagnants? La compagnie a besoin d'argent. Trente pièces d'or pour le groupe entier. Ne semblez pas d'un bon niveau. Pour qui l'œil droit. Adieu l'étranger, rendez-vous dans l'au-delà. La compagnie doit quitter l'endroit. Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour vous dire que c'est déjà la fin, malheureusement. Et qui dit fin de Puissance Maximale dit le début du cirque aquatique magique. Bonjour, monsieur François Gécouillard. Salut, salut. Et de quoi tu vas. Qu'est-ce que tu vas nous faire entendre aujourd'hui? Ben, qu'est-ce qui a attiré notre attention dans l'actualité cette semaine? C'est les élections américaines, bien sûr. Bien évidemment. Alors, on va parler un peu de ça. On va parler un peu d'élections. Je sais qu'on va en parler dans la prochaine année, pas juste américaine. Je sais qu'on va parler beaucoup politique dans la prochaine année. Donc, vous allez entendre ça, des blocs spéciaux, musique, humour et commentaires déjantés de la part de M. François Gécouillard, tout de suite après nous, donc à 7h pour le Cirque Aquatique Magique. On vous demande, bien évidemment, de rester à l'écoute parce que c'est bon, tout plein. Oui, puis c'est François. C'est François. Juste pour ça, ça vaut la peine. Tu sais, les intros que j'adore, là, c'est lui sa voix. C'est lui qui les a faites. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, François. Peut-être qu'on va en faire d'autres, hein? Ce serait le fun. Ah, ce serait le fun. Ouais. On va essayer de se monter quelque chose. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher toutes nos émissions, podcasts, images et autres nouvelles qui sont postées sur le site, entre autres par M. François Gécouillard. Également, petite nouveauté que j'ai eu le flash tantôt, puis on va essayer de l'exploiter. Si vous voulez nous parler en direct pendant l'émission, rajouter Andrew Castegen. On va faire comme qu'est-ce que François faisait à l'époque. Andrew Castegen sur Facebook. Je pense qu'on pourrait le faire en tant que Puissance Maximale. On va regarder ça. La page, c'est vrai, t'as raison. Directement de la page, en utilisant comme Puissance Maximale. Bref, on va vous parler de ça la semaine prochaine. Donc, venez nous parler en direct. On est toujours heureux de vous entendre et de vous lire dans ce cas-ci. Je remercie M. Andrew Castegen à la console, comme à l'habitude. Merci, Andrew, d'être là à chaque semaine. Ouais. Bruitage de foule en délire. Hourra! Vive le roux! Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là à chaque semaine pour vous parler jeux et autres geekitudes. Et je voulais vous dire aussi, Facebook, évidemment, le tapis Puissance Maximale pour nous rajouter, nous aimer, parce que nous, on vous aime. Et ckiafm.org pour votre carte de membre. Allez chercher ça, 20$, et ça vaut la peine. Je confirme, Puissance Maximale, ça marche pas pour chatter sur Facebook. Donc, Andrew Castegen, allez rajouter ça, là, vous allez voir une belle bouille de roux. Puis profitez-en, parce que sur son Facebook, il y a aussi sa page pour son Movember. Oui. Parce que Andrew va participer au Movember, ben, participe présentement. Oui. Malgré les apparences. Malgré les apparences, là, je suis roux, hein. Fait que laissez-moi une chance. Donc, allez donner généreusement à CKIA pour votre carte de membre et à Andrew Castegen pour le Movember. Et c'est avec ces mots de sagesse que je vous dis, passez une bonne semaine de jeu. Get a little harmonica.